Document 3, page 82. Je suis en direct de la mairie où les conseillers municipaux viennent de terminer la réunion sur le projet Ville Verte. Il n'y a plus personne dans la grande salle et nous attendons le maire. Ah, elle arrive. Pardon, Madame Nebon, quelques mots sur le projet Ville Verte. D'abord, je veux remercier les habitants pour les efforts qu'ils font depuis quelques mois pour aider notre action. Dans un an, quand nous aurons le tramway, plus personne ne pourra venir en voiture dans le cœur de la ville. Nous n'aurons donc plus jamais les problèmes de pollution que nous avons maintenant. Et pour la propreté, Madame Nebon ? Il y a maintenant des poubelles partout. C'est pourquoi j'espère que nos concitoyens ne vont plus rien jeter sur les trottoirs. Il faut que tout le monde fasse attention, les automobilistes, les piétons et aussi les propriétaires de chiens. Pour eux, nous avons installé des distributeurs de sacs en plastique dans toute la ville. J'espère qu'on ne verra plus personne laisser un petit souvenir de son chien sur les trottoirs. Je sais qu'on n'obtient jamais rien du jour au lendemain, mais pour le bonheur de tous, notre belle ville doit rester propre et agréable à vivre. Madame Nebon, merci. Monsieur le conseiller, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je n'ai plus rien à ajouter. Madame Nebon vous a très bien présenté la situation.